cheveux longs, dit des blagues à la con. Il balade sa machine en tenue de drag queen. Il pousse des cris bizarres qui font peur dans le noir. Quand il se met à danser, vaut mieux vous écarter. D'une attitude, des gars quand ils manquent. D'une attitude, le rider sur la lune. Fais pas de l'accordéon, encore moins du violon. Il préfère faire du bruit pour réveiller la nuit. Ou alors il fait de la basse, sauf quand il est fracasse. Car après trop de picole, la dudu lui décolle. Tu fumes bien bourré, la connerie assurée. Tu fumes bien pété, il va tout faire brûler. Si il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Car y en a qu'un comme ça qui nous fait s'empoiler. Vous avez remarqué, quand il est trop bourré, c'est lui qui va se cacher, le gaz bien attaché. La dudune mania, celle qui fait mal au bras. La dudune mania, surtout ne change pas. T'es trop fou, surtout quand t'es trop sous.